Section 76 de la lecture, tome 2e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Alexandre Ivan Card. La lecture, tome 2e, section 76. Fleur de blé, Noël flamand, par Camille Aumônier. Chapitre 1. Il y avait ce soir-là à Wavre, sur la place, une maison où l'on se préparait surtout à fêter Saint-Nicolas. C'était chez le boulanger Hans Jans. Dans la chambre à deux fenêtres, sise au-dessus de la boutique, un grand feu et une petite lumière éclairaient le beau lit des étrangers, avec ses courtines de perse à fleurs roses et son bois de chêne poli qui reluit. Et dans le lit était couchée Fleur de blé, la fille de Jans. Bonne maman Jans, par moments, mettait une bûche dans l'âtre, en ayant soin de retourner celle qui était consumée. Puis, relevant ses lunettes sur les bandeaux bruns qu'elle portait par-dessus ses cheveux blancs, elle allait à pieds doux vers le lit. « Fleur !» disait-elle tout bas en écartant les courtines. Et alors la lampe rouge jetait sa clarté sur Fleur de blé, tapie dans les draps et ne laissant voir que ses tout petits bras et sa toute petite figure. Deux fois depuis que la grande horloge à gaine de la boutique avait sonné 7 heures, bonne maman Jans avait ouvert les courtines du lit en appelant Fleur de blé, et l'enfant ne s'était pas éveillé. Elle entendait à chaque instant carillonner la sonnette que Jans avait attachée à la porte de la boutique et que le chaland faisait tinteler quand il entrait. Or, il venait beaucoup de monde ce soir-là chez les Jans, car ils avaient, en sucre et en pâte, les plus beaux bonshommes de la ville. Et chaque fois que sonnait la sonnette, bonne maman Jans se demandait « Est-ce pour un homme de 6 sous ou pour un homme d'un franc ?» Ceux d'un franc ont des cheveux de sucre blanc et des joues de sucre rose, et ceux de 6 sous sont en pâte unie. On aurait dû faire aussi des hommes à 2 francs, parce qu'il y aura toujours des gens qui voudront payer 2 francs quand leurs voisins n'en payent qu'un. » Et madame Jans servait au comptoir, regardant de côté les gamins qui, le nez rouge et les mains dans les poches, se renouvelaient toujours à la vitrine devant les grands hommes de pâte, tandis que Jans disait dans le fournil « Allons, les garçons, mardi à la pâte! Je m'en vais bientôt faire l'homme de fleurs. » Et par la fenêtre de la petite chambre de derrière, madame Jans voyait Hans, les bras nus, en veste blanche et en pantalon blanc, qui allait et venait, à la lueur des flammes, à côté des garçons penchés sur le pétrin. Jans prit la plus grande de ses formes, y étendit le beurre, coula avec précaution la pâte, puis vivement plongea la forme dans le four. « Ah, fleurs !» pensait madame Jans. Quel beau spéculoos ton papa va te faire là. Il n'y en a pas un autre dans tout Wavre pour donner à la pâte une si belle tournure. Certainement, j'ai bien fait, étant fille de boulanger, de me marier avec Hans. Jans ensuite retira des cendres brûlantes un admirable bonhomme fumant et blond qu'il détacha d'un coup sec, et il le déposa sur une planche poudrée de farine. C'était un gros monsieur en bas de culotte, avec une mitre sur la tête, une perruque dans le dos, une canne à crosse à la main et, dans les poches, des joujoux qui dépassaient. On lisait sur ses souliers à boucles, le long d'une banderole, « Saint-Nicolas ». D'admiration, le premier mitron mit la main à son nez et le second la mit à son pantalon. Hans, qui les vit, leur dit sévèrement « Sale garçon, depuis quand met-on à son pantalon et à son nez la main avec laquelle on pétrit ?» Puis Jans se mit à glacer en rose les joues et le nez du sein, piqua des grains d'anis dans la perruque, coula du chocolat sur l'habit, étendit une couche de gelée de groseille le long du gilet, saupoudra de poussière d'or la crosse et la mitre, sucra en blanc les mains et les bas, enfin appela sa femme, et, lui montrant son chef-d'œuvre, dit « Annette, la pâte est mêlée de tranches de melon, de morceaux d'orange et de raisin. Je ne donnerai pas ce Saint-Nicolas pour 5 francs, parce que je ne le referai peut-être plus si bien pour 10 ». Et Fleur de blé s'effeuilla tout à coup en disant de sa petite voix « Bonne maman, ça sent bien bon. Est-ce que Saint-Nicolas est déjà venu ?» Cette petite voix de fleur ressemblait aux dernières vibrations du cristal quand on la frappait avec un couteau et qu'on n'entend plus qu'un son qui va mourir. « Non, mon enfant, » répondit bonne maman Jans en remettant les petits bras de l'enfant dans le lit. « Saint-Nicolas n'est pas encore venu, mais il passe dans la ville et c'est ça qui sent bon. »« Bonne maman, pourquoi que Saint-Nicolas sent bon quand il passe dans la ville ?»« Parce que papa Jans fait cuire dans son four sa pâte à bonshomme. Et il y en a de 6 sous et il y en a aussi d'un franc. « Veux-tu boire un peu ?»« Bonne maman, » répondit l'enfant, « j'ai fait un rêve. J'ai rêvé que Saint-Nicolas venait me chercher dans mon lit, Et il avait une grande barbe, comme l'image du bon Dieu que m'a donnée ma reine Dictus. Et j'ai dit, bonjour Saint-Nicolas, patron des bons enfants. Et il m'a dit comme ça, Fleur de blé, je suis ton patron, en effet, car tu es une bonne petite fille. J'aime les bons petits enfants. Viens avec moi. Et j'ai dit, pour aller, bon Saint-Nicolas, et il m'a répondu, pour aller jouer en paradis. Alors, maman et papa et bonne maman m'ont donné une robe blanche et ils m'ont dit qu'ils viendraient plus tard. Et quand je suis entrée au paradis, il y avait des petites filles et des petits garçons tout en blanc qui jouaient. Et ils m'ont prise dans leurs bras et ils m'ont dit qu'ils jouaient comme ça la nuit et le jour. Toujours, et ils avaient des joujoux bien plus beaux que ceux que papa m'a donnés au nouvel an dernier. Et les petites filles avaient des poupées aussi grandes qu'elles qui faisaient la référence et qui disaient merci madame. Et alors Saint-Nicolas m'a embrassé, il m'a dit, amuse-toi, je t'aime bien. Qu'il m'a dit, tu auras aussi des poupées et elles te diront aussi merci madame. Et puis, bonne maman, j'ai senti une bonne odeur et je me suis éveillée. Fin de la section 76.